1234。Oh là là, la bille et de l'ose. Les loses, c'est même pas l'ose. Ma chanson est pas en prose. Et j'ai envie de plein de choses. Aïe, on nous fait croire que le bonheur c'est d'avoir pas de manga dans nos armoires. C'est vraiment une bande de connards. Otaku sentimental du Japon, j'suis gaga. Attiré par des shoujo manga, par des choses pas commerciales. Otaku sentimental qui se fout de L'Oréal, parce que chez le faut bien. Comment que j'en parle? Moi je dégage avec des animes en voyage, les gens placés sous l'orage qui ne sont pas de tous les âges. On nous oblige à regarder des trucs de 12 piges. On nous prend, faut pas déconner, t'as un gros nez pour des cons alors qu'on est. Otaku sentimental du Japon, j'suis gaga. Attiré par des shonen manga, par des choses pas commerciales. Otaku sentimental qui se fout de L'Oréal, parce que chez le faut bien. Comment que j'en parle? On nous Walt Disney à mort, on préférerait Pokémon. Oh le bien qu'on peut nous faire avec des trucs japonais. Te laisse des griffes, un désir que nous on kiffe. Pour demain nos enfants pâles, un petit kamehameha. Otaku sentimental du Japon, j'suis gaga. Attiré par des shoujo manga, par des choses pas commerciales. Otaku sentimental qui se fout de L'Oréal. Comment que j'en parle? Otaku sentimental du Japon, j'suis gaga. Attiré par des shonen manga, par des choses pas commerciales. Otaku sentimental qui se fout de L'Oréal.